sont bonnes de s'exclamer au 762 rue Saint-Jean. Abonnez-vous à leur page Facebook pour vous tenir au courant des nouveautés et des promotions. Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. On va passer la prochaine heure ensemble. On va écouter plein de bonne musique en téléchargement gratuit. S'il y a des pièces qui vous plaisent, c'est assez simple. Vous pouvez les télécharger de façon gratuite et légale. Vous avez juste à vous rendre sur le site de l'émission. Vous avez juste à pointer votre navigateur vers le www.webmusique.ca. Vous allez avoir donc la playlist. Vous allez pouvoir en savoir un peu plus sur les artistes qui passent à l'émission. Si vous êtes curieux, c'est la place idéale pour découvrir un peu de musique en téléchargement gratuit. On va débuter ce soir avec un artiste qui est sur l'étiquette Subwise. Subwise est une étiquette qui nous vient de Saint-Pétersbourg, en Russie. C'est déjà leur 165e album, donc en téléchargement gratuit. Plein de trucs intéressants sur Subwise. L'artiste s'appelle Proto Group. Je vous fais entendre la pièce Computer Song. Tout de suite après, ça va être une pièce publiée sur l'étiquette française Marée Bass. C'est donc Phony and Floor. Je vais vous faire entendre la pièce Step Back. Donc, Phony and Floor, ça nous vient de la ville de Nantes, en France. Donc, on écoute ces deux pièces-là, puis je vous reviens tout de suite après. Yeah. de la ville de Nantes en France, c'était Fauny and Floor avec la pièce Step Act. C'était donc publié sur l'étiquette Marie Bass, une étiquette française vraiment intéressante que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Avant ça, on avait débuté l'émission avec Proto Group. C'est un artiste de la ville de Saint-Pétersbourg en Russie. C'était la pièce Computer Song. C'était sur l'étiquette Subwise. On poursuit Web Music, donc cette fois-ci avec Exit Delete. C'est un artiste de la ville de Toulouse en France. C'est sur l'étiquette Blower Abend, une étiquette qui nous vient donc de la France et de l'Allemagne. Je vais entendre la pièce Real World. Tout de suite après, de la ville de Tambov en Russie, c'est Ralax avec sa pièce The Smell of Neurotic Wasteland. Vous allez voir, vraiment excellent. Donc on écoute tout de suite Exit Delete à Web Music. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous êtes à l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre un artiste de la ville de Tambov en Russie. C'était Relax avec la pièce The Smell of Neurotic Wasteland. Avant ça, de la ville de Toulouse en France, c'était Exit Delete avec la pièce Real World. Donc ça, c'était sur l'étiquette française et allemande Blower Abend. On poursuit avec un artiste de l'Ukraine. J'en ai déjà fait jouer quelques fois à Web Musique. Donc, c'est Garaz. Il y a un tout nouvel album publié sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom. C'est le 245e donc album à être publié sur cette excellente étiquette bulgare. Je vous fais entendre la pièce Rooftop. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 15 % à chaque fois que vous faites un achat au Poble d'Orsay au 65 rue de Buade. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Maintenant, à la Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à la Barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. Avec la foi, nous pouvons soulever des montagnes. Avec mes citoyens, nous pouvons bâtir la ville de demain. Ici Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Et Régis Labeaume, maire de Québec. Avec les ressources nécessaires pour s'en sortir, ça aide. Pour une personne sans abri, un toit, un repas, une main tendue peuvent faire toute la différence. À la Maison de l'Aube-Rivière, votre don peut changer une vie. Soyez généreux. Détails à l'aube-rivière.org. Collaboration Desjardins, Caisse du Centre-Ville de Québec. On ouvre les vannes. Nelly, ça a été de l'ouvrage en titi. J'ai passé proche d'y passer. Puis là, je le dis parce que je suis encore là malade, c'est ça. Il n'y a plus d'amour dans la vie. Bowie et sa fragilité à Sentier Secret, mardi 26 novembre à 10h. Tu volais ton ciel, courais les foies. Le sujet de mettre fin prématurément à ses jours est omniprésent chez moi. C'est KRL. De retour à Web Musique, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Donc, tout juste avant la pause, on entendait un artiste de l'Ukraine, c'était Garaz avec la pièce Rooftop. C'était sur l'étiquette bulgare Dusted Wax Kingdom. On va poursuivre l'émission avec un artiste de la ville de Reading aux États-Unis, c'est Kisama and Josh McCurdy. Donc, c'est la même personne. Je vous fais entendre la pièce Congo Square 3D. Vous allez voir une pièce vraiment étrange. Ça dégénère complètement en milieu de pièce. Ensuite de ça, tout de suite après, sur O2 Label, c'est un autre artiste américain du nom de All Object Lost. Je vous fais entendre la pièce From. Si ça vous tente d'appeler durant l'émission, vous pouvez me rejoindre au 418-640-1586. Vous pouvez également me rejoindre sur le compte Twitter de l'émission, c'est à Web Musique. Et donc, également par courriel, si jamais vous voulez me faire parvenir des trucs que vous avez composés ou des suggestions, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez me rejoindre à webmusique@gmail.com. Donc, c'est ça, on écoute tout de suite Kisama and Josh McCurdy. des États-Unis. Donc, c'était All Object Lost avec la pièce From. C'était donc sur l'étiquette O2 Label. Avant ça, de Reading aux États-Unis, c'était Kisama and Josh McCurdy. C'était la pièce Congo Square Free Day. Ça, c'était sur l'étiquette Completely Gone Recordings. On poursuit avec un artiste de la Grèce, c'est Meat Sauce. Je vous entends sa pièce Drinking Problems. C'est featuring Mono Lama. C'est sur l'étiquette Liquid Seed Recordings, une étiquette que j'ai découvert aujourd'hui. On va approfondir ça un peu dans le futur. Il semble avoir beaucoup d'albums intéressants sur Liquid Seed Recordings. Ensuite de ça, tout de suite après Meat Sauce, on va entendre Recycled Sound. C'est un artiste italien. Je vous fais entendre sa pièce Dub Rhythm. C'est sur l'étiquette Elephant Bass. C'est une étiquette donc qui a lancé deux compilations intitulées Elephant Bass Volume 1 and 2. Ça, c'est une pièce tirée du deuxième volume. Donc, on va entendre la pièce Dub Rhythm tout de suite après Meat Sauce avec la pièce Drinking Problems. Thank you. une pièce très lourde, c'était Recycled Sound avec la pièce Dub Rhythm, Recycled Sound qui nous vient de l'Italie. C'était sur l'étiquette Elephant Bass, donc tiré de la compilation Elephant Bass Volume 2. Ça va déjà être tout pour Web Music. Tout de suite après, c'est Cabaret Diaspora avec Jean-Baptiste Hervé qui est à l'antenne de CKRL. Donc, restez à l'écoute, plein de bonne musique encore toute la soirée. Moi, je vous donne rendez-vous pour une autre émission de Web Music la semaine prochaine à compter de 20h. Téléchargez Web Music sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. CKRL HD. Une radio haute décibels. Hey! Salut la gang! C'est Philou du Rocher du gros show de Choc Radio. Ce lundi 25 novembre, on fête les 50 ans de notre animateur Pat Sauce en direct du théâtre Périscope sur les ondes de CKRL en même temps. Tu viens prendre une broue avec nous autres, tu participes à notre dernier prologue laboratoire avant le grand cabaret du temps des fêtes qui aura lieu du 5 au 14 décembre 2013. Le 25 novembre, ça se passe au théâtre Périscope pour la fête de notre pâte sauce nationale dès 17h. Des ballons, du gâteau, des chicks pis de la bière. Que si tu veux de plus. Pour plus d'informations, tu vas sur legrosshow.com. Merci à nos fidèles commanditaires, le Conseil des arts du Canada, Première Ovation, CKRL et le bar officiel du Gros Show, le bar Sacrilège situé sur la rue Saint-Jean. Le Gros Show, 25 novembre, en direct du théâtre Périscope, sur les ondes de CKRL. Contribution volontaire à la porte. Choc Radio, c'est la radio authentique. Oh ouais. Oh ouais. Dans le quartier Saint-Roch. Il y a un salon de dégustation où l'on sert la bière de différentes façons. On y trouve même un Randall. Check it out. Alors là, j'imagine. Tu veux savoir ce qu'est un Randall? Va le mardi ou le mercredi à la barberie. Et tu verras ce système de service hyper sexy. Et si tu viens chez moi, je t'expliquerai c'est quoi une creamer. Quoi? Non merci? Tant pis.